Alors expliquez-moi ce qui se passe. Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Vous êtes fou, mon petit. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini et au-delà. Mathilde Serrel. Atterrissage réussi en 1926. Cela fait 11 jours qu'on la cherche partout. La romancière Agatha Christie vient d'être identifiée dans un hôtel de cure à Harrogate, charmante petite bourgade du nord de l'Angleterre. Un musicien de jazz venu se produire l'a reconnue à partir des photos qui circulent dans les journaux. On l'a imaginée sous toutes sortes de déguisements. Un témoin a même prétendu l'avoir aperçue en homme. Une chose est sûre, cette écrivaine de 36 ans, dont les romans à énigmes commencent à avoir un joli succès en librairie, avait quitté son domicile un vendredi soir vers 23h après avoir embrassé sa fille Rosalinde et laissé un mot à sa gouvernante pour annuler tous ses rendez-vous. Elle venait de découvrir que son mari avait une aventure. Ça me paraît incroyable. Regardez-la sourire. Elle est fortunée et britannique. Elle sait se tenir. La fille continue. Excepté pour cette fois. Personne ne sait ce qui s'est passé. Elle s'est volatilisée. Il paraît que son mari Archibald lui reprochait de vivre pour ses livres et ne cachait plus son intention d'épouser sa maîtresse. Est-ce cela la cause d'une telle fuite? Et surtout, d'une telle mise en scène? Depuis qu'on avait retrouvé la voiture d'Agatha Christie phare allumée au bord du sinistre étang de Silent Pool, son manteau de fourrure jeté sur la banquette, toutes les hypothèses étaient possibles. Suicide, enlèvement, meurtre commandité par le mari? Un étang dragué sans succès, une battue mobilisant plus de 500 hommes, tout le pays survolé en aéroplane, le père de Sherlock Holmes, Sir Conan Doyle himself, venu mener l'enquête, rien n'y a fait. Et voilà qu'on retrouve Madame Christie au Swan Hydropathic Hotel. Elle ne se rappelle de rien, même pas de son mari. François Rivière, biographe d'Agatha Christie. Et on va chercher à Harrogate une Agatha Christie qui prétend avoir perdu la mémoire, qui ne sait plus où elle en est tellement, qui s'est inscrite dans cet hôtel sous un nom de famille qui est celui de la maîtresse de son mari. Donc là, on est pratiquement dans une intrigue policière... un peu chaude, et on ramène Agatha chez elle, enfin, voilà. Et on va après la soigner pour cette supposée amnésie, alors que finalement, la raison de cette disparition est tout autre. Pour le journal français Le Siècle, deux suppositions restent en présence. Je cite. Ou Mrs. Christie a voulu vivre un de ses romans, ou bien, assez énervée intellectuellement, a-t-elle perdu provisoirement la mémoire et la connaissance de sa personnalité. Ce qu'Agatha Christie n'avait pas prévu, c'est que la presse allait s'emparer de cette affaire et en faire un sujet quotidien, ou même tri-quotidien, parce que les journaux en Angleterre paraissent plusieurs fois par jour. Cet événement national l'a complètement figé dans cette posture effroyable, c'est-à-dire d'une femme qui a disparu, qui a pris le large, qui ne sait pas comment s'en sortir. Quoi. Mais voilà, en fait, elle a été prise au piège, finalement, d'une intrigue qu'elle avait imaginée, qui a mal tourné, parce que évidemment, on peut imaginer que les choses entre Agatha et son mari ne se sont pas arrangées. Ils ont divorcé 2 ans après. Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. Transportation réussie. Vous êtes de retour au 21e siècle. Ce que l'on peut dire, un siècle plus tard, c'est que si Agatha Christie a réussi un des meilleurs coups de pub de l'histoire, après cette disparition, elle perd son mari, mais gagne le statut de superstar, cela s'est fait en réalité à son insu. Bien qu'elle ait prévenu son éditeur de son départ, ce qui a alimenté la thèse du coup éditorial, si l'on en croit le petit-fils d'Agatha, jamais elle n'aurait organisé une telle publicité. Au contraire, elle cherchait à l'éviter. En revanche, elle a été piégée par son dispositif narratif. Agatha Christie est devenue l'héroïne d'un roman, d'une certaine manière d'un roman, dont elle avait vaguement imaginé l'intrigue. Elle avait publié, peu de temps avant, une nouvelle qui était l'histoire de la disparition d'une femme, justement. Le seul problème, à mon sens, hein, c'est que justement l'intrigue de sa disparition est certainement celle qu'elle n'a pas eu le temps vraiment de peaufiner, et ça s'est retourné contre elle très vite, parce que dans la réalité, on ne peut pas tricher comme elle le faisait elle-même dans certains de ses livres, où elle orientait le regard du lecteur vers un coin de la scène, alors qu'il fallait évidemment, il aurait fallu regarder ailleurs pour comprendre ce qui s'était passé. Enfin, bon, elle a été quand même un peu abusée par son propre sens du mystère. Et on en a la preuve avec sa disparition, où on sent qu'au fond, elle a un goût pour le mystère qui va jusque infiltrer sa vie privée, quoi. Madame, mesdemoiselles, messieurs, the game is over. I, Hercule Poirot, now know beyond a shadow of a doubt who killed Madame Doyle, Louise Bourget and Madame Otterbourg. Pour l'écrivain portugais Fernando Pessoa, la littérature est l'aveu que la vie ne suffit pas. Avec sa disparition, Agatha Christie montre que la vie et l'aveu que la littérature ne suffit pas. Voilà toute une histoire qui s'écrit à partir du corps même du personnage, enfin, qui devient donc pendant une dizaine de jours, qui devient un objet de curiosité pour un pays tout entier. C'est-à-dire qu'on se demande où est passé l'artiste, ce qui est quand même, d'une certaine manière, elle aurait pu écrire un livre et le détruire en public. On est dans la fiction quand même, là, on est vraiment dans la fiction, mais on est effectivement dans une auto-fiction qui s'accomplit comme ça au jour le jour et dont on ne connaît pas l'issue. My literary activities seem curiously vague and sketchy in my memory. I don't think that I really considered myself a bona fide author. Après son sixième livre, Le meurtre de Roger Ackroyd, on pourrait dire que le septième roman d'Agatha Christie est celui qui s'est écrit dans la presse lors de sa disparition. La vie comme terrain d'expérimentation littéraire, comme espace assujetti à l'art, voilà son vrai coup d'éclat. Du rouleau de Jack Kerouac à la filature de Sophie Calle, la fiction ne s'écrira plus à partir du réel, mais dans le réel. La folle inquiétude quand tu disparaissais. Mais la douce habitude qui toujours te ramenait, c'était toi. C'était toi.